Juges chapitre 6. Or les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian se renforça contre Israël, et à cause des Madianites les enfants d'Israël se firent des creux qui sont dans les montagnes, et des cavernes, et des forts. Car il arrivait que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Orientaux, et ils montaient contre lui. Et faisant un camp contre eux, il ravageait les fruits du pays jusqu'à Gaza, et ne laissait rien de reste en Israël, ni vivres, ni menu bétail, ni bœufs, ni ânes. Car eux et leurs troupeaux montaient, et ils venaient avec leurs tentes en aussi grand nombre que des sauterelles, tellement qu'eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils venaient au pays pour le ravager. Israël donc fut fort appauvri par Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et il arriva que quand les enfants d'Israël eurent crié à l'Éternel à l'occasion de Madian, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël, qui leur dit, « Ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai retiré de la maison de servitude, et vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient, et les ai chassés de devant vous. Et vous ai donné leur pays. Je vous ai dit aussi, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, au pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point obéi à ma voix. » Puis l'ange de l'Éternel vint, et s'assit sous un chêne qui était à Ophra, appartenant à Joab Yézérite. Et Gédon son fils battait le froment dans le pressoir, pour le sauver de devant Madian. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « Très fort et vaillant homme, l'Éternel est avec toi. » Et Gédon lui répondit, « Hélas mon Seigneur, est-il possible que l'Éternel soit avec nous, et pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont récitées, en disant, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte, car maintenant l'Éternel nous a abandonnés, et nous a livrés entre les mains des Madianites. » Et l'Éternel le regardant lui dit, « Va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites, ne t'ai-je pas envoyé ?» Et il lui répondit, « Hélas, mon Seigneur, par quel moyen délivrerai-je Israël ? Voici, mon millier est le plus pauvre qui soit en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Et il lui répondit, « Je te prie, si j'ai trouvé grâce devant toi, de me donner un signe pour montrer que c'est toi qui parles avec moi. Je te prie, ne t'en va point d'ici jusqu'à ce que je revienne à toi, et que j'apporte mon présent, et que je le mette devant toi. » Et il dit, « J'y demeurerai jusqu'à ce que tu reviennes. » Alors Gédon rentra, et apprêta un chevreau de lait, et des gâteaux sans levain d'un épha de farine, mit la chair dans un panier, le bouillon dans un pot, et il les lui apporta sous le chêne, et les lui présenta. Et l'ange de Dieu lui dit, « Prends cette chair et ces gâteaux sans levain, et mets-les sur ce rocher, et répands le bouillon, et il le fit ainsi. » Alors l'ange de l'Éternel ayant étendu le bâton qu'il avait en sa main, toucha la chair et les gâteaux sans levain, et le feu monta du rocher, et consuma la chair et les gâteaux sans levain, puis l'ange de l'Éternel s'en alla de devant lui. Et Gédon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit, « Ah, Seigneur Éternel, est-ce pour cela que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face ?» Et l'Éternel lui dit, « Il va bien pour toi, ne crains point, tu ne mourras point. » Et Gédon bâtit là un autel à l'Éternel, et l'appela l'Éternel de paix. Et cet autel est demeuré jusqu'à aujourd'hui à Ophra des Abiézérites. Or il arriva en cette nuit-là que l'Éternel lui dit, « Prends un taureau d'entre les bœufs qui sont à ton père, savoir le deuxième taureau, de 7 ans, et démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et coupe le bocage qui est auprès, et bâtis un autel à l'Éternel, ton Dieu sur le haut de ce fort, en un lieu convenable. Tu prendras ce deuxième taureau, et tu l'offriras en holocauste avec les arbres du bocage que tu couperas. » Gédon donc ayant pris 10 hommes d'entre ses serviteurs, fit comme l'Éternel lui avait dit, et parce qu'il craignait la maison de son père et les gens de la ville, s'il l'eût fait de jour, il le fit de nuit. Et les gens de la ville se levèrent de bon matin, Et voici, l'autel de Baal avait été démoli, et le bocage qui était auprès, était coupé, et le deuxième taureau était offert en holocauste sur l'autel qu'on avait bâti. Et ils se disaient les uns aux autres, « Qui a fait ceci ?» Et s'en étant informés, et ayant cherché, ils dirent, « Gédon le fils de Joa a fait ceci. » Puis les gens de la ville dirent à Joa, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal, et a coupé le bocage qui était auprès. » Et Joa répondit à tous ceux qui s'adressèrent à lui, « Est-ce vous qui prendrez la cause de Baal? Est-ce vous qui le sauverez? Quiconque aura pris sa cause, sera mis et mort d'ici au matin. S'il est Dieu, qu'il défende sa cause, de ce qu'on a démoli son autel. » Et en ce jour-là il appela Gédon Jérubbaal, et dit, « Que Baal défende sa cause de ce que Gédon a démoli son autel. » Or tous les Madianites, les Amalécites, et les Orientaux s'assemblèrent tous, et ayant passé le Jourdain ils se campèrent en la vallée de Jizréel. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédon, lequel sonna de la trompette, et les Abiézérites s'assemblèrent auprès de lui. Il envoya aussi des messagers par toute la tribu de Manassé, qui s'assembla aussi auprès de lui, puis il envoya des messagers en Asé, en Zabulon, et en Nephtali, lesquels montèrent pour aller au-devant d'eux. Et Gédon dit à Dieu, « Si tu dois délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as dit, voici, je m'en vais mettre une toison dans l'air, si la rosée est sur la toison seule, et que le sec soit dans toute la place, je connaîtrai que tu délivreras Israël par mon moyen, selon que tu m'en as parlé. » Et la chose arriva ainsi, car s'étant levé de bon matin le lendemain, et ayant pressé cette toison, il en fit sortir pleine une tasse d'eau de rosée. Gédon dit encore à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je parlerai seulement cette fois, je te prie, que je fasse un essai en la toison encore cette fois seulement, je te prie qu'il n'y ait rien de sec que la toison, et fais que la rosée soit sur toute la place de l'air. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, car il n'y eut rien de sec que la toison, et la rosée fut sur toute la place de l'air.